Il s'élevait peu à peu, en spirale, dans le puits qui s'était ouvert, et se refermait au-dessous de lui. Et les nuages perdaient, à mesure qu'ils montaient, leur bout d'ombre. Ils passaient contre lui, comme des vagues, de plus en plus pures et blanches. Fabien émergea. Il pensait avoir gagné des limbes étranges, car tout devenait lumineux, ses mains, ses vêtements, ses ailes. Car la lumière ne descendait pas des astres, mais elle se dégageait, au-dessous de lui, autour de lui, de ses provisions blanches. Ces nuages, au-dessous de lui, renvoyaient toute la neige qu'il recevait de la lune. Ceux de droite et de gauche aussi, hauts comme des tours, il circulait un lait de lumière dans lequel baignait l'équipage. Fabien, se retournant, vit que le radio souriait. « Ça va mieux !» criait-il. Mais la voix se perdait dans le bruit du vol, seul, communiquait les sourires. « Je suis tout à fait fou, » pensait Fabien de sourire. « Nous sommes perdus. »« Trop beau, » pensait Fabien. Il errait, parmi des étoiles accumulées avec la densité d'un trésor, dans un monde où rien d'autre, absolument rien d'autre que lui, Fabien et son camarade, n'étaient vivants. Pareils à ces voleurs des villes fabuleuses, murés dans la chambre au trésor dont ils ne sauront plus sortir. Parmi des pierreries glacées, ils errent, infiniment riches, mais condamnés.